pensée se détache de ce qui n'est pas nous. Nous entre parenthèses avec un trait d'union. Ta main dans la mienne, tes yeux dans mes yeux. Ton rire pour rien au moindre de mes mots. Se détache de ce qui n'est pas nous. Nous entre parenthèses avec un trait d'union. L'encre se souvient des trajets sur la feuille, des dessins de mots, ton regard perdu. Se détache de ce qui n'est pas nous. Nous entre parenthèses avec un trait d'union. Tes yeux déjà ailleurs prolongent l'inconnu. Tes pensées mystères toujours à deviner. Se détache de ce qui n'est pas nous. Nous entre parenthèses avec un trait d'union. Je fuis le présent dans des rêves subtils. Mes pensées se posent en frissons sur ta peau.